LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Monsieur Vincent, monsieur Xavier, ok, tout le monde est là, ça marche. Bien, alors s'il vous plaît, juste une seconde, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est voir un peu d'ordre, et puis de la méthodologie, puisque je vois qu'il y a de la plaque qui va être lancée, on va enfin voir ces jolis plaquages mis en place. J'ai pas vu ceux de la très grande table avec les développés de noyer. Et puis pour les toutes petites que j'ai vues, donc la totalité des plaquages en soleil bubinga sont faits. On va avancer sur le montage carrément. Je rappelle que le travail en série, ça demande un peu d'ordre quand même, hein. Donc je veux que les choses soient classées, organisées, qu'on retrouve les repères, les signes d'établissement, organisés par lot, qu'il y ait un peu d'ordre et qu'on sache retrouver nos petits au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Ça marche ? Bon, bah très bien, bah action alors, c'est parti. C'est le métier qui rentre, le plaisir du bon geste. Ah, elle est jolie. Jolie, jolie. Rémi Libowski-Douat, Jean-Philippe Navarre. C'est beau. Hein. Cèdre du Liban. Traîne blanc, Christophe Arnaud, soleil frisé, une jolie petite table tripode en fait. Ils sont en train de fabriquer trois tables de trois formes différentes et qui, s'imbriquant les trois tables ensemble, créent un lot de trois tables à trois niveaux différents qui créent elles-mêmes une forme triangulaire légèrement adoucie avec trois motifs de bois européens parce qu'on a fait une démarche écologique. Donc non, ça va être très très beau, ça va être chouette. Le CFA d'ameublement, c'est un centre de formation d'apprentis qui existe depuis 155 ans, qui a été créé sous le Second Empire avec la complicité de l'impératrice Eugénie. On a depuis 155 ans maintenant des formations dans le domaine de l'ameublement. On forme des ébénistes, des tapissiers, des dorures à la feuille, des encadreurs et tous les métiers du décor intérieur. Voilà, donc cette année, pas loin de 400 personnes apprenant, à la fois apprentis et stagiaires de la reconversion professionnelle qui viennent apprendre les métiers pour passer exclusivement des CAP, des brevets des métiers d'art ou des brevets professionnels. Et vous êtes ? Je suis Jérôme Tenny, le directeur général, ancien élève, ancien maître d'apprentissage, ancien formateur. Donc voilà, j'ai une idée un peu précise de ce qui se passe dans l'école et je viens de la section ébénisterie. Tulipiers d'Amérique, merisiers, oh, sublime, bravo. À plat dans la presse arrière. Pourquoi, pourquoi le valet ? Pourquoi le valet ? Pourquoi plat dans la presse arrière ? Bah, regardez la presse arrière. Mais là, faut la caler. Bah, là, elle est là. Mais faut que je passe mon rabot, en fait, ici, sur toute la largeur. Bon, après tout, c'est stable, tant que vous êtes oui, à plat. Ça, ok, très bien. Sinon, je me serais mis dans la presse, mais là, c'est vraiment sur le bout. Ça va. Ça va me gêner, je vais grignoter le panneau après. Allons-y, si c'est votre confort, tout va bien. Merci. Monsieur, on a une bulle d'air sur notre plaquage. C'est pas affolant, montrez-moi où. On va utiliser le caractère thermoplastique de la colle. Oui. On va rechauffer. Alors, on va aller chercher une cale d'abord. On va le mettre en contact, un petit serre-joint. Et comme le plateau est encore chaud, la colle va se figer. Oui. C'est un petit excès de colle à cet endroit-là, qui fait que sous la presse, elle n'a pas eu le temps de s'évacuer complètement, il reste un peu d'humidité. Ok, ça marche. Une cale, un serre-joint, et dans 10 minutes, c'est revenu à la normale. Arthur Lockman, vous faisiez de la philosophie et du droit, et vous avez entrepris d'apprendre la charpente, et vous êtes devenu charpentier. Jusque-là, j'avais connu que les études, très livresques, puis un peu coupé de mon corps. Je zonnais un peu à la fac et ne voyant pas trop ce que j'allais pouvoir faire avec mes études, je me suis inscrit en CAP de charpente, notamment parce que je m'imaginais quelque chose d'assez gestuel. Et donc c'était une sorte de révolution personnelle de se retrouver, après avoir épluché des livres, de se retrouver dans un atelier de charpente à apprendre à se servir d'une scie et notamment à faire confiance à ses sensations. C'est quelque chose dont j'avais pas l'expérience, que je prenais un peu de haut et il me semblait qu'il suffisait d'analyser bien les choses pour s'en tirer. Et donc la première chose que j'ai dû apprendre, c'est à faire confiance à mes sens comme une source d'information fiable, à la fois à mes mains mais aussi aux positions de mon corps, parce que pour des gestes aussi simples que clouer ou scier, qui sont les gestes de base en charpente, C'est pas qu'une affaire de main, de position de la main ou de prise en main de l'outil, c'est l'ensemble du corps qui est engagé. Il y a une expression qui est « bien scié vient des pieds ». Pour qu'il y ait un bon mouvement, il faut que le buste soit installé dans une certaine position. Et pour ça, il faut aussi que les jambes, enfin que le bassin et donc les jambes soient elles-mêmes dans une certaine position, sans quoi on manque de force, on manque de précision. Et donc en fait, tout descend jusque dans les pieds, et c'est dans le bon positionnement des pieds qu'on trouve l'énergie et la précision nécessaires pour un geste comme celui du sillage. Un peu d'ailleurs comme en boxe, pour bien frapper son adversaire, il faut positionner les pieds d'une certaine manière. Tout se joue pas uniquement dans le bras ou dans le poing. Ils arrivent ici dans votre atelier, ils sont à peu près vierges de tout réflexe et geste corporel. Comment vous les voyez arriver et est-ce que ce corps se transforme ? Mais j'aimerais rajouter quand même l'esprit, hein, puisque c'est l'esprit qui va commander à la fois le geste et le corps. Donc ne jamais sous-estimer dans nos métiers la présence de l'esprit qui est très très très présent, puisqu'effectivement il va falloir penser à soi comme étant « je suis une machine qui travaille ». Et donc mon action, la transformation de leur posture à l'établi, c'est de leur apporter un maximum de confort dans le travail. Et pour ça, aussi dingue que ça puisse paraître, c'est les pièces de bois et le travail qu'ils vont faire qui doivent s'adapter à eux. Et ça, c'est un mode de pensée qu'ils n'ont pas automatiquement en fait. Donc ils ont un peu tendance à considérer que leur but, c'est le résultat. Et eux, ils se contraignent pour obtenir le résultat. Or, il va falloir leur engager une mécanique de pensée qui va être complètement différente en disant « les pièces de bois doivent s'adapter à moi ». D'ailleurs, ils le font dans la même façon, parce que si je fais malgré tout le lien avec les machines-outils sont figées et ils sont bien obligés de s'y contraindre. Et donc de leur faire comprendre qu'au début, c'est eux la machine-outil. La première action, c'est bien l'être humain. Donc ils sont leur premier outil. Tannage, travail de rivière, couture main, rembord, refonte, ponçage, corroyage, finissage. Paul Alès. C'est bien. On en a plein, c'est même pas en cité 5. C'est terrible. Vous enseignez le geste, le bon geste. Qu'est-ce que c'est exactement le bon geste ? C'est apprendre à un apprenant d'acquérir une gestuelle qui va lui permettre d'intégrer le monde pro avec le geste, je dirais, le plus juste. Enfin, on avait un collègue qui disait cela, c'est le geste pur, c'est-à-dire celui qui va vous permettre de réaliser le travail de la matière avec le maximum de réussite, tout en vous préservant. On est quand même dans un métier physique qui va impliquer le corps dans sa totalité, mais aussi la précision. Donc, il faut savoir préserver son outil de travail d'une certaine façon. C'est un petit peu ça. On a une belle mécanique, mais il faut la préserver, quoi. Ouais. Mais pas trop d'angle. Ouais. Vous cherchez l'arête. Mais non, mais là, vous êtes sur le plat. Là, il faut quand même l'arête de votre affiloir. Le geste, il doit être un tout petit peu plus sûr. Hop, on se met bien en butée. On met l'angle, pas trop. Et un coup, et c'est largement suffisant. Là, on sent bien le morphine, il est beaucoup plus conséquent, et puis vous pourrez travailler beaucoup plus efficacement. Ça marche. Ça marche ? Merci. Allez, au boulot. Je vais finir. 1, 2, 3, okay. C'est en fonction du morphine que vous voulez créer. Et évidemment, le morphine le plus important sera le plus efficace. Pourquoi ? Parce que plus durable, c'est ce qu'on cherche aussi. Pérenniser le geste, la méthode. Oui ? On y va. Quand j'arrive ici pour mes premières observations, donc en 2016, Géraldine Moreau, je m'intéresse au corps de l'artisan. Et pourquoi je m'y intéresse ? En partie parce que quand je commence les premières lectures pour ma recherche doctorale, je me rends compte qu'il y a beaucoup de travaux sur la socio-économie, donc le marché de l'artisanat, comment les formateurs inculquent des valeurs ensuite de gestion, de commerce, des gestes techniques, etc. Il y a beaucoup de travaux aussi sur l'héritage, la question des compagnons, etc. Mais il n'y a presque pas de travaux sur le corps en général. On a des travaux sur les mains qui apparaissent beaucoup dans les années 2010 sur justement l'importance du geste et l'importance de la formation de la main, les compétences manipulatoires qu'il faut que les apprentis acquièrent au fur et à mesure. Et on remarque une revalorisation de ces métiers en disant « la main aussi est intelligente ». Donc je me rends compte qu'on a comme ça une revalorisation des métiers artisanaux en disant « la main aussi est capable de penser ». Mais du coup, je me dis, ces artisans, ils travaillent avec leurs mains, mais leurs mains, elles sont bien rattachées à quelque chose. Et donc, on ne parle jamais de ce corps. Donc, j'arrive ici en 2016 en me disant, on va aller voir un peu les corps des artisans au travail, et surtout des apprentis en CAP première année, qui, a priori, sont complètement novices, et voir comment le formateur doit leur enseigner ce nouveau rapport au corps, cette nouvelle manière d'utiliser ce qui doit devenir, en fait, un corps-outil. Et les premières observations, effectivement, je me rends compte de corps complètement pliés, courbés, qui passent sous l'établi, qui essayent de contourner. Je me souviens très bien du cours dédié à l'action de scier. Et les étudiants sont quasiment en grand écart. En tout cas, ils ont vraiment une position très sportive, avec des appuis fléchis. Et ils ont des courbatures. Le lendemain, en arrivant, ils disent « Ah, toi aussi, t'as mal aux cuisses. Ah ouais, c'est horrible. » Et là, je me dis, il y a vraiment un engagement physique franc quand on arrive en formation, et finalement on en parle assez peu dans l'étude de l'apprentissage et de la transmission, et on se concentre sur le geste technique, mais en fait dans ce geste technique, il y a beaucoup d'autres choses. Sandra. Effectivement, bah, par exemple, scier avec une scie à cadre, ça m'a pris du temps. On avait du matériel qui était vraiment très archaïque, et donc du coup ça demande vraiment tout un positionnement du corps, de la tête aux pieds. Chose qu'on n'a pas forcément en tête, en tout cas moi je ne l'avais pas quand j'ai commencé. J'ai passé un CAP ébénisterie en 3 ans à l'école d'ameublement La Bonne Graine à Paris. À la suite, j'ai pu travailler dans un théâtre en tant que constructrice de décors. Et actuellement, je suis une formation de peintre en décor. C'était pas évident parce que mon parcours était universitaire initialement. Les premières fois qu'on a appris à scier réellement, il y a tout un positionnement avec une jambe en avant, le corps bien droit. On maintient sa pièce de bois en fonction de si on est droitier ou gaucher. Bah, la prise en main des outils, c'est quelque chose d'assez à la fois banal et formidable. Tout d'un coup, il y a un nouveau geste qui est possible. Enfin, on ne peut pas clouer avec ses mains nues, on ne peut pas scier avec ses mains nues. Donc une action nouvelle est rendue possible, mais en même temps aussi des sensations nouvelles. Alors au début, quand on apprend à se servir d'un outil, on sent essentiellement le manche de l'outil dans la main. Et puis au fur et à mesure, l'attention se déporte de la paume de la main vers l'élément qui est en train de travailler dans l'outil. Donc dans le cas d'une scie, vers la lame. Dans le cas d'un marteau, vers la tête du marteau. Et on sent à travers l'outil lui-même. Et du coup, il y a une forme d'extension et de la perception de l'univers perceptif. Et on se met à sentir, non pas donc le plastique du manche de la scie, mais les fibres du bois qui résiste contre la lame. Et on sent, par exemple, quand la lame arrive contre un nœud qu'on ne voit pas à l'intérieur de la pièce de bois, mais qu'on sent parce que tout d'un coup, ça devient plus difficile de scier. On sent la résistance. Chaque planche, chaque pièce de bois est singulière et a sa propre histoire. Et s'est développée, s'est construite dans un certain milieu naturel avec des intempéries qui ont fait qu'il aura certaines faiblesses et certaines résistances. On apprend à se mettre à l'écoute des faiblesses de tel ou tel type de planche, ce qu'on peut faire autour d'un nœud, qui est un point de fragilité. Mais ce qui est intéressant dans la rencontre avec la matière, pour apprendre à la connaître et intérioriser ses réactions, c'est qu'il faut avoir été jusqu'au point de rupture. Par exemple, quand on cloue ou qu'on visse trop près du bord d'une planche, elle a tendance à éclater. Pour intérioriser la matière, en avoir une espèce d'intuition, il faut avoir rencontré ces limites pour pouvoir les anticiper les fois suivantes. En fait, dans l'apprentissage des gestes et de la connaissance de la matière, l'erreur ou l'échec, c'est un élément constitutif quoi, de ce développement d'une conscience de la matière, d'une intuition de la matière. Réellement, quand on arrive à positionner l'outil comme il faut, c'est ça aussi. C'est que ça, c'est peut-être un peu comme dans le sport, on s'aperçoit qu'on commence à avoir le bon geste quand on a mal au bon endroit. D'après les indications des professeurs, on est censé avoir mal à des endroits précis. Et par exemple, oui, pour apprendre à scier, à la paume de la main, ça faisait des douleurs assez prononcées. Et dans le reste du corps, j'étais surprise parce que j'en avais aussi dans les mollets. Parce que du coup, il faut être campé sur ces positions. Donc du coup, les jambes travaillent beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui m'a surprise, oui. Parce que le reste, pour certains gestes, on était un peu moins surpris. Parce que quand il faut maintenir une pièce de bois, on sait très bien que les phalanges travaillent, que ça prend du temps. Mais c'est vrai qu'un geste comme scier, ça sollicite vraiment beaucoup de parties du corps. En dehors des travaux qu'on faisait réellement uniquement à la main, de manière manuelle, il y a tout l'apprentissage des machines. Et donc c'est pareil, c'est toute une autre mécanique du corps, parce que du coup, bon, là, il y a une concentration effectivement réellement mentale, parce qu'il faut bien régler sa machine, il faut être concentré pour ne pas se blesser. Donc c'est des gestes qui sont différents, parce qu'on est positionné différemment autour de la machine, mais le mental y joue beaucoup, effectivement. Les charistes, on les voit assez souvent quand on va chercher des matériaux dans les plateformes de bâtiments. Donc on se gare avec le cul du camion près du hangar d'où vont sortir les matériaux. Souvent on sait quel est le bon chariste à aller voir, parce que c'est très difficile à manœuvrer un chariot. Et ensuite, chariste saura assez rapidement charger de manière intelligente le camion pour que ça soit facile à décharger. Et il y a plein de petites étapes différentes où on peut voir le chariste à l'œuvre dans la façon dont il va à la fois manipuler son chariot avec une certaine vitesse, en dérapant dans les virages pour rentrer dans les allées. Ensuite, en allant chercher immédiatement le bon tas de bois. Et puis après, surtout donc dans le chargement. Sur les camions, souvent on pose les lames de bois quand elles sont longues, les pièces de bois, on les pose en diagonale, donc elles sont calées contre l'arrière du camion et posées sur le renfort au-dessus de la cabine. Et ça demande, pour pouvoir le poser correctement, que les fourches du chariot soient positionnées exactement au bon endroit. Et donc il y en a qui arrivent à faire ça très très bien, de manière intuitive. Ils ont eux aussi intériorisé le poids, la matière, la vitesse de fonctionnement de leur chariot. Voir donc les fourches. Alors je ne sais pas dans quelle mesure exactement on ressent à travers les fourches, mais je peux bien imaginer qu'on a la même sensation d'extension comme ça de son propre corps, à la fois dans ses possibilités d'action et dans ce qu'on ressent d'un outil. Type de camion aujourd'hui est obligé d'être déchargé par un chariot élévateur. Moi j'ai commencé, j'avais 21 ans, c'était en 2007, c'était déjà là bien avant. Est-ce que la machine c'est une prolongation de votre main ? Ah oui, carrément, c'est ce que je pense dans ma tête, retranscrit donc dans les mouvements de la machine. Je n'ai pas la science infuse, hein, je ne suis pas monté sur un chariot et c'est bon, c'était pilotage assuré, non pas du tout, c'était, j'ai envie de dire que c'est devenu instinctif. Je m'appelle Darko Djordjevic, je travaille au sein de la société Les Formateurs Parisiens et j'ai 35 ans. Donc ça, c'est le catégorie 3. C'est la machine qu'on utilise dans la majorité des secteurs d'activité qui nécessitent justement l'utilisation d'un chariot élévateur. Comme il y a un peu une voiture, on a un siège, on a un volant, une marche avant, une marche arrière, un joystick, un verseur de commande, on appelle ça de notre jargon. Et après, on a trois manettes qui correspondent au mouvement des fourches. La première manette permet de monter et de descendre les fourches. La seconde, d'incliner le mât vers l'arrière et vers l'avant. Et la dernière manette pour tout simplement décaler le tablier de gauche à droite pour pouvoir positionner sa palette de façon précise. C'est plus valorisant de conduire une machine que d'être à pied, de déplacer des colis, de déplacer des sacs de ciment. Donc oui, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent acquérir ce permis de charisme qui est valable 5 ans. CACES, ça veut dire certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Vous avez l'air de prendre beaucoup de plaisir à conduire cette machine. Je me trompe ? Non. Je suis plutôt pilote en voiture, donc tout ce qui va avec et qui roule, j'aime bien. Parce qu'en fait, j'étais auto-entrepreneur dans la mécanique en même temps. C'est le premier jour, là ? Ouais, c'est le premier jour que on touche les machines. Je passe le CACES parce que j'aime ce métier. Et j'ai déjà travaillé dans des magasins. Je travaillais à Lidl, je faisais de la mise à rayon, donc j'ai déchargé les camions de temps en temps avec la transpalette manuelle. J'ai tiré les palettes avec la force. Bon. Ça, je ne vais pas vous mentir, ça me fatiguait. C'était des douleurs à quel endroit ? Au niveau de là. Les bras, le dos. Là, c'était manuel. Manutentionnaire avec les colis, le dos, il prend un peu. Même si le dos il prend un peu sur ça, mais c'est moins que les colis. J'étais à Ciblex, les colis qu'on prenait là-bas. Des fois, on est obligé d'appeler le collègue à côté. On va dire, vas-y, viens m'aider, alors qu'on est tout seul. Et est-ce que passer ce cassette, c'est l'occasion de mieux gagner votre vie? Oui, je pense. Ça me fera beaucoup d'argent. En faisant cette formation-là, vraiment, je vais connaître très très bien ces machines-là. Et bon, demain, je pourrai bien travailler avec ça. Parce que souvent, quand vous allez dans les intérims, bon, chercher du travail, on vous demande, vous voulez faire de la manutention, mais si vous avez le cassette. Il y a le formateur qui me fait les gros yeux, il faut que vous retourniez à la formation. Ben, bon courage. Merci. Alors, les principales causes d'accidents lors de l'utilisation des chariots à conducteurs portés sont l'absence de formation, vrai ou faux? Question 52. Le respect des consignes d'utilisation peut être la cause d'accident. Attention, c'est pas si je respecte pas. Si je respecte les consignes d'utilisation, je peux avoir un accident. On respecte et on a un accident quand même. Non, bien sûr. Question 58. La circulation en charge haute, avec la palette en hauteur, d'accord, est interdite. Vrai ou faux? Le protocole de sécurité concernant le chargement-déchargement des véhicules est rédigé par l'inspection du travail. 75. Le conducteur du chariot élévateur est soumis à des vibrations pouvant provoquer des troubles musculo-squelettiques. Donc, c'est-à-dire disque tassé, hernie et compagnie. Douleur lombaire, problème de dos. Là, c'est un appareil qui va nous permettre de chauffer le bord du cuir. Donc là, j'ai un appareil que l'on va tenir à pleine main, moi qui suis droitier, donc main droite, et je vais venir marquer le bord de ma matière. Ça va permettre de resserrer les fibres du cuir. Donc là, il y a une notion pratique et nécessaire. Et puis, il va y avoir un côté esthétique qui est d'écraser la tranche de votre pièce. Donc là, on va devoir faire attention à ses appuis. On va légèrement décaler ses appuis au niveau des membres inférieurs. Main droite qui va préempter de façon ferme l'outil. On va se poser sur le bord de la matière et on va avoir un visuel assez éloigné pour que on puisse glisser sur le bord de la pièce. Et là, c'est tout le haut du corps qui vient se rigidifier, je dirais. Du bassin, on va gainer, de l'épaule qui va se fixer, le cou de la main, tout ça en élément bien rigide et qui va se basculer d'avant en arrière pour pouvoir marquer au mieux le cuir. Donc là, vous sollicitez de nombreux muscles finalement. Ah bah tout à fait. Ah oui, aussi bien les membres inférieurs qui vont avoir ce mouvement. C'est un peu comme au basket qu'on fait pivot. Hein, voilà, on est effectivement sur ce mouvement avant-arrière. Et puis la tonicité musculaire du haut du corps et pour le coup de la force au niveau du bras et de l'épaule pour marquer la pièce. Je vous vois pied gauche en avant. Oui. Ça, c'est pied d'appel. C'est parce que je suis droitier. On a une gauchère actuellement. Elle va être souvent à l'inverse. Ça va plutôt être pied droit en avant, parce qu'elle va travailler main gauche pour pouvoir effectivement être dans sa position d'appui au sol correct. Un jeune élève qui arrive dans cet atelier, à qui on confie cet outil, est-ce qu'il a tout de suite la science du fait qu'il faut le prendre comme vous venez de le prendre devant nous? Non, pas du tout. Il va prendre cet outil-là comme il va prendre un stylo. Finalement, c'est l'antériorité, c'est d'abord la main, l'écriture. Ça va être à nous de le sensibiliser, déjà sur la tenue de l'outil, sur la tonicité qu'il va falloir donner sur le haut du corps, mais aussi sur la position du corps. J'ai deux apprenants qui sont très grands. Il a fallu se dire, bah là, tu te baisses trop, on va rehausser. On a mis une rehausse sur l'établi pour que la personne soit non pas cassée en deux et risque d'attraper mal au dos petit à petit avec le temps, mais soit à la bonne hauteur. Et cette hauteur-là, ça va être en les observant, en les écoutant aussi, en les questionnant. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as pas mal ici? Est-ce que tu as pas mal là? C'est le ressenti aussi qui va nous guider, bien évidemment. Alors, vous ici, en tant que prof, vous regardez pas seulement les outils et les mains, mais vous regardez la totalité du corps. C'est la totalité du corps. C'est vraiment une liaison entre le corps et le travail. C'est pas juste je réalise un geste pour fabriquer quelque chose, non, pas du tout. C'est l'implication du physique, du corps, dans notre travail, en totalité et en permanence. Il faut vraiment se préserver. Il faut se dire que j'ai 8 heures, je suis ouvrier dans une industrie, il faut se dire que j'ai 8 heures à tenir pour réaliser un travail de qualité. Donc il faut vraiment que je puisse me préserver, faire le geste le plus pur, le plus juste possible pour m'économiser. Je m'économise pour durer dans le temps. Faut laisser travailler la varlope à plat, ah ouais. Gentiment. Voilà. Desserrez un peu votre presse arrière. Là, le plateau est sous pression, il doit être un peu rond. Hop. resserrer tout doux. Encore un peu. Voilà, basta. Nous sommes dans un métier d'enlèvement de matière. Ça veut dire que de toute façon, il y a quelque chose au départ et il va falloir en enlever. Et donc en enlever, c'est forcément un rapport avec à la fois physique, à la fois d'un outil. Donc il y a énormément de contraintes qui se mettent en place. Et donc les choses, on peut les déplacer, on peut les bouger et on doit les déplacer, les bouger pour s'adapter. Voilà en fait. Voilà. Mes pantalons ont un trou sur le genou avant droit et puis un trou sur le coude gauche en fait, parce que je pose toujours trois points d'appui quand je me mets en place. Et ça, je mesure 1m60, je ne suis pas très grand, je ne suis pas non plus physiquement très développé, donc il faut trouver des solutions, des moyens pour soulever, transporter, déplacer et puis se mouvoir sans trop de contraintes. Et naturellement, face à l'effort physique, très vite, on prend conscience qu'il va falloir peut-être faire un peu autrement. Et moi qui suis un peu âgé aujourd'hui, l'enseignement de base, au départ, il n'est pas du tout orienté comme ça dans les ateliers. Moi, on m'a jamais appris à me préserver physiquement. On me disait juste, le travail est dur, et puis c'est tout. Alors qu'en vrai, quand on prend conscience qu'effectivement, le travail est dur, et qu'on n'est pas grand, qu'on n'est pas très fort, bah, on trouve des solutions. Et puis, bah, voilà, hein, trois points d'appui, prendre des leviers, s'organiser, se tenir droit. Et c'est mon corps dans la douleur qui a dit, arrête, trouve d'autres solutions, en fait. Hein. Les choses se sont... organisé comme ça, face à la douleur, le cerveau, il prend le dessus, puis il fait non, essaye de trouver une autre solution, quoi. À la fois, il faut répéter pour intérioriser la structure de la matière, savoir anticiper ses réactions, savoir ce qui est possible de faire avec elle, comment on peut composer avec ses faiblesses et ses forces. Et en même temps, il faut aussi de la répétition pour préciser, améliorer ses gestes, voir quelles sont les limites de son propre corps, quelles sont ses forces, ses ressources propres, et sur la base de ces répétitions, en se mettant à l'écoute, corriger, affiner petit à petit son geste. Par exemple, quand on plante des clous pendant une heure d'affilée, au début, bon, on fait un peu à la légère, et puis à force de répétition, on voit qu'un déplacement infime de la position de la main, ou de la façon dont on tient le clou, de la façon dont on tient le manche, plus ou moins haut, tout ça a une influence décisive à la fois sur la qualité du résultat et sur la sensation dans le moment même du geste. C'est le R459, c'est la famille, c'est le cassette que vous passez. Ça, c'est la catégorie 1A. D'accord ? Déjà, pour monter, que ce soit sur n'importe quel appareil, il faut trois points d'appui. 1, 2, 3. Quand vous montez et quand vous descendez, c'est pareil. Pascal Latour. Cette petite partie arrondie, là, elle sert. Hein. Vous êtes bien calé, vous bougez pas. Ça n'a rien de conduire comme ça, vous n'êtes pas stable. Il faut toujours vous appuyer sur cette partie-là. Et là, vous êtes bien stable. Donc, pour démarrer cet appareil, on appuie 5 fois sur le 0. C'est le code. C'est le code de démarrage. J'essaye le klaxon. Je vérifie la montée des fourches. Je monte au maximum. Je redescends au maximum. Et vu que je vais rouler et que je dois toujours rouler les fourches à 15 cm du sol, je remonte. Quand on est à 15 cm du sol, vous voyez tout de suite, les fourches, elles sont au-dessus de votre cheville. Vous ne cassez pas la cheville, vous cassez juste au-dessus. Le troisième test, vous allez faire une marche avant, des petits coups de timon pour voir si la direction fonctionne. Vous klaxonnez, vous regardez derrière et vous reculez. Sur celui-là, les tests s'arrêtent là. Hein. Je klaxonne, je monte, je descends, je remonte, j'avance, je freine, je recule, je freine. Et une fois que vous avez fait les tests, on va attaquer les exercices. Il n'y a pas de bouton d'urgence. Le bouton qui est là, c'est un arrêt d'urgence. J'aime tout ce qui a des roues, donc ça passe par la moto, la voiture, le chariot, le tracteur. J'aime tout ce qui a des roues, donc depuis toujours. Je pense que c'est surtout de là que vient cet amour pour la conduite. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour faire ce métier? Qu'est-ce que vous avez dans les doigts que n'ont pas les autres? Alors je dirais une facilité d'adaptation. Darko Dorjevic. Aux machines, là en l'occurrence, et à l'environnement où je travaille, la polyvalence, la fluidité. Si j'arrive vite devant ma palette, par exemple, mais que les fourches sont restées en bas et que je n'ai pas monté mes fourches à ce moment-là, donc je vais perdre du temps. Donc c'était là où je gagnais des secondes sur ces fameuses compétitions, c'était que j'anticipais ce que je devais faire après, ce que les autres faisaient moins. Ils arrivaient devant la palette, arrivaient là, ils levaient, ils baissaient, mais moi je faisais tout en même temps. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous d'être vice-champion du monde? Alors moi au début, rien. parce que c'était quelque chose de nouveau. Mais au fil des années, les championnats se sont succédés et à chaque fois, c'était une réussite. C'est une belle pub déjà pour le chariste. Donc demain, vous êtes chariste dans une société, ben moi je suis vice-champion du monde, je suis championnat régional, je suis champion national. Ah ouais, d'accord, nous on a ce gars-là, il est avec nous, c'est quelque chose, voilà, c'est au-dessus. Et c'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, je me suis dit, bah, on peut peut-être faire quelque chose, et d'où le centre de formation, essayer d'utiliser ce bagage pour transmettre notre savoir aux autres et réussir à former des gens qui pourront demain devenir charistes et peut-être même meilleurs charistes de France, du monde, de la région. Voilà. Donc ce que tu as dans les mains, c'est un timon, tu le bloques. Tourne au max. Tourne au max, tu dois faire un demi-tour. Voilà, tu le bloques, tu restes bloqué. Bloqué, bloqué, bloqué. Voilà, comme ça. Et tu vas tout doucement. Tu le demi-tour, il se fait tout seul. Impeccable. Tu refais une marche avant. Tu regardes bien devant toi. Tu fais les coups droits possibles. Voilà. Et on refait la manœuvre. Tu klaxonnes, tu regardes derrière toi, tu vas jusqu'à la petite ligne qui se trouve au sol. Regarde où tu vas. Regarde pas tes mains, regarde où tu vas. La main, oui, mais tout le corps. Continue, continue. Et surtout le haut du corps. Paul Alès. Je pense que ceux qui ont une implication un peu sportive se rendent compte très rapidement, effectivement, de cette notion, de cette implication. Pour d'autres qui viennent, parce qu'on accueille des étudiants d'horizons très divers, ça nous est sensibilisé parce qu'ils n'ont pas obligatoirement notion que le corps est entièrement en liaison, on va dire, avec la main, avec la gestuelle. Vous travaillez le cuir. Est-ce que vous, en tant qu'apprenant, quelques années en arrière, vous aviez conscience que le corps était justement un outil? Je vais remercier mon formateur qui s'appelait Monsieur Herbeau. Il a eu cette sensibilité, effectivement, de nous rappeler que notre outil de travail, c'était le corps. Et de façon régulière, il nous disait, tiens-toi bien, fais attention à ta tenue, là ça se fait debout, là ça se fait assis, il faut la précision. Un peu trop tiré sur les bords pour qu'on en ait plus. Là, on étale. On n'a rien. Ouais. J'ai à moi. Ça marche. Prenez votre pinceau. On fait pas de la peinture. On fait de... voilà, on fait de l'encollage. On nourrit le bois. Allez, on y va. Allez, c'est bon. Allez, on met le cèdre. Là, ils sont dans l'opération de la plaque. Une opération un peu délicate pour nous, les ébénistes, puisque c'est là où on révèle le décor sur le support. Mais c'est, on met de l'eau sur un bois de plaquage qui est très très fin. L'appliquez pas trop, au contraire, faites rapide. On le pose et on retourne, voilà. On a ce sujet qui revient souvent, effectivement, de leur dire l'effort physique qu'on produit, il est nécessaire, mais on a aussi besoin de le faire durer toute la journée, toute la semaine et puis toute sa carrière. Donc c'est vrai que chaque geste qu'on a pu analyser en amont va être fait pour qu'on puisse aussi pas se fatiguer trop rapidement. On a mis en place, nous à l'école, en plus un système depuis 3-4 ans qui est en train de porter ses fruits. Très concrètement, c'est d'accompagner tous nos jeunes, tous nos apprentis dans tous les métiers dans un dispositif gestes et postures. On fait venir des ostéopathes, des kinés qui observent les jeunes à l'établi, au tabouret, dans les positions de travail en fait, et qui viennent corriger les postures au fur et à mesure que la journée se déroule. Dans le même souci d'observer, de comprendre la gestuelle, on a travaillé avec Géraldine Moreau pendant la réalisation de son doctorat sur justement l'observation de ces jeunes dans ces postures de travail. Alors vous, c'est justement une approche que vous faites avec votre spécificité à vous, c'est que vous êtes sociologue, mais vous êtes mime également. Donc, vous approchez le corps et le geste dans une globalité. Comment ça s'est passé? Alors, à partir de 2016, quand je commence ce projet, effectivement, je décide d'utiliser comme outil d'enquête, comme outil d'observation et d'analyse, le mime corporel d'Étienne de Croux. Donc, c'est une technique initialement pensée pour l'acteur, qui est créée donc, au début du XXe siècle. C'est une sorte de mime moderne qui décide de rompre totalement avec la pantomime, La pantomime qui est plutôt donc gesticulation avec les mains, le visage enfariné en blanc, etc. Et donc le mime corporel est une technique qui vient s'opposer à la pantomime et qui s'intéresse davantage justement à une grammaire corporelle, à comment les différentes parties du corps vont bouger, qu'est-ce qui se met en mouvement, qu'est-ce que ça raconte, comment on agence tous ces éléments corporels pour dire quelque chose. Et donc je vais, avec les artisans, utiliser cette technique en choisissant trois principes de la technique. Un principe de segmentation corporelle, alors très simplement ça veut dire leur demander de décomposer leur geste et de le recomposer. Donc je leur demande de travailler d'abord normalement et puis ensuite de séparer les choses qu'ils font étape par étape. Ensuite j'utilise le principe de dynamorythme, donc c'est les dynamorythmes dans la méthode d'Étienne Decoux, ce sont en fait les rythmes et les vitesses de nos mouvements. Donc je vais leur demander de travailler au ralenti, de travailler de manière accélérée. Et le dernier principe que j'utilise avec les artisans, c'est le principe du contrepoids. Et donc là, c'est pour interroger le rapport équilibre-déséquilibre. Et je vais leur demander de travailler en changeant complètement leur position, de changer leurs appuis au sol, d'enlever les pieds, de changer le centre de gravité et de travailler avec ces perturbations-là. Je remarque que les apprentis peinent. Que c'est difficile et qu'en même temps ils sont contents que ce soit difficile. Il y a une sorte de satisfaction à commencer cette formation qui les met physiquement en jeu et où ils trouvent autant que possible des chemins pour s'adapter, des astuces du corps pour se fondre avec la matière, l'outil, l'établi, etc. Donc je sens qu'ils cherchent et c'est très agréable à observer de les voir tâtonner un peu comme ça, puisque c'est à eux d'expérimenter par eux-mêmes en fait la sensation qu'ils vont avoir avec les outils, la matière. Donc il y a un apprentissage vraiment actif de leur part. Ça te fait mal ? Non, non, c'est juste les cloques. Et ça, il n'y a pas justement une manière de faire le geste qui soit plus facile ? Bon, on peut changer de positionnement sur le raclant, mais on va dire que c'est inévitable à la fin. Ça fait partie du métier. Vous êtes prêt à ça ? Oui, non. Si les apprentis ont une part active dans l'apprentissage, ils sont quand même vraiment guidés, étayés tout au long de la formation par les formateurs qui vont en fait les guider en leur donnant les consignes, en leur montrant les bons gestes. Alors, les formateurs encouragent vraiment les apprentis à chercher le geste technique qui va leur permettre d'arriver à un résultat satisfaisant, qui est le résultat attendu, mais toujours en prenant en compte leurs sensations corporelles, leurs douleurs. Et justement, il y a un rapport à la douleur qui est intéressant, puisque le formateur en ébénisterie, un jour, dit cette fameuse phrase « c'est le métier qui rentre », et il poursuit en disant « en tout cas, si vous avez trop mal, vous vous arrêtez, mais si c'est une douleur normale, continuez. » Moi, les deux choses que je dis en tant que directeur de l'école quand les jeunes arrivent en apprentissage, c'est « prenez soin de vous » et « c'est votre formation, c'est votre métier ». Donc soyez pas égoïste, mais en tout cas, ayez cette conscience que vous venez chercher quelque chose pour vous. Et donc, nécessairement, le bien-être du corps et associé au bien-être de l'esprit font un apprentissage harmonieux au bout du compte. Quand j'ai commencé ce qu'on appelle aujourd'hui les TMS, jamais j'en entendais parler. Et on a vu effectivement les maisons se sensibiliser face à ces... Enfin, prendre conscience déjà qu'elles avaient des salariés qui avaient des troubles physiques, qui avaient mal là, qui se dégradaient les mains, le dos, les épaules, posaient des arrêts maladie. Et de fait, on est quand même dans la notion de la préservation de son outil de travail, mais aussi des personnes. Et j'ai vu cette sensibilisation se réaliser au travers d'aménagement d'un poste de travail, par exemple. Le fait de marteler une pièce, on a mécanisé certains postes de travail, ce qui a permis effectivement de préserver des personnes. En tout cas, dans l'arrivée précoce de problèmes physiques, grâce à ces interventions-là, grâce à ces analyses de poste, on a pu effectivement préserver les gens. Donc le corps aujourd'hui du technicien en maroquinerie souffre moins ? Souffre moins, oui et non. Oui, dans certaines gestuelles qui ont été mécanisées, pour lesquelles on a soulagé, sur lesquelles on a travaillé pour améliorer la tenue d'un outil, la préemption d'un outil. Mais pour autant, je trouve qu'il y a une répétitivité des gestes traumatisants qui vient un peu plus vite. Pourquoi ? Lorsque j'ai commencé mon métier, on avait très peu de mécanisation à la table. Donc on avait des gestes traumatisants qui alternaient avec des gestes plus naturels, moins physiquement impliquants. Et puis, c'est parfois les gestes moins physiquement impliquants qui ont été mécanisés. Alors qu'en fait, c'était pas eux qui étaient traumatisants. Du coup, on se retrouve à avoir des gestes traumatisants qui reviennent de façon plus récurrente, plus importante. De fait, on n'a pas obligatoirement diminué les TMS. Moi, je suis dans le métier depuis plus de 25 ans. J'ai mal partout. J'étais un très mauvais sujet concernant la posture. Et je me dis, avec le recul, si j'avais eu cette chance d'être sensibilisé plus tôt, j'aurais pris soin de moi et peut-être que je serais un petit peu mieux aujourd'hui. Donc, voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses à construire pour l'avenir. Alors, dites-nous justement, parlez-nous de votre corps. Il en est où? Où est-ce qu'il a mal? Des douleurs dans les mains, beaucoup. Des douleurs dans le dos, hein, ça, la posture voûtée à l'établi, voûtée sur les machines. Toutes les articulations, que ce soit les membres inférieurs, les membres supérieurs, la perte d'audition, et tout ce qui est le résultat des crispations en fait qu'on peut avoir à longueur de journée. Hein. On travaille aussi dans le froid. Je vous ai dit, on porte des charges, on a le contact. Alors nous, dans le bois, il faut penser qu'on a aussi le métal, hein, les serre-joints, les outils en métal, les tables des machines, c'est le contact froid, le contact dur. C'est vrai que le corps répercute. Il y a une sorte de résonance en fait dans le corps de tout ce que les machines n'ont pas absorbé en fait dans l'activité. Et c'est le corps qui fait cette sorte de tampon. Hein, donc quand même un mal de dos important, hein, ça c'est peut-être la principale conséquence de l'activité, et puis les articulations sollicitées, bras, coudes, poignets, les doigts, qui sont tout le temps crispés sur l'outil. Et maintenant je suis à la fois au bureau et encore un peu à l'atelier, donc je réapprends en fait au fur et à mesure que la journée passe à me servir de toutes les parties du corps voilà qui sont des fois un peu laissées à l'abandon. Je confirme que l'activité physique à côté de l'activité professionnelle est fondamentale. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place nous aussi dans nos murs pour les formateurs en fin de journée. On a un coach sportif qui va venir à partir de janvier, vous voyez, c'est vraiment l'actualité chez nous, pour nous réapprendre aussi à prendre soin de ce corps et puis à le développer dans des actions qu'on ne ferait pas dans la journée. Allez, profitez de la pause, c'est important. C'est obligatoire. Ouais. Allez. Allez, sortez les amis. C'est pas de se blesser, vous avez besoin aussi d'avoir des moments pour vous reposer, pour penser à autre chose et pour revenir concentré et en pleine forme pour la suite de la journée. Voilà. Et on a besoin de l'atelier maintenant. Allez hop, dehors, on vous chasse. Tirez-nous, on ne veut plus vous voir. On vous a assez vu. L'apprentissage d'un métier, c'est un peu apprendre à gérer l'imprécision, apprendre à savoir quel est l'exacte imprécision attendue d'un métier. Quand on est charpentier, on travaille souvent au millimètre. Et s'il y a un millimètre de décalage entre deux pièces, c'est pas très grave. Il faut justement apprendre à accepter cette erreur. Parce que vouloir aller au-delà de cette imprécision acceptable, c'est perdre du temps, en fait. C'est aller à l'encontre ou ne pas tenir compte des contraintes économiques qui correspondent à un métier. Et donc, il faut à la fois être suffisamment précis et en même temps, il faut savoir se contenter d'une précision suffisante. Vous avez vu, en étant moins crispé, comment tout de suite l'outil est plus fluide sur le bois. Voilà. Il y en a 30 à faire à la suite, hein. C'est moins fatigué à la fin de la journée. Vous, dans votre apprentissage, c'était il y a combien de temps? C'était il y a plus de 30 ans aujourd'hui. Il y a 30 ans, on ne prenait pas en compte la douleur dans cette phase d'apprentissage? Non, les gestes et postures à l'établi, on ne m'a pas appris ça. Il fallait juste être face à l'effort physique et personne n'en parlait en fait. Hein. Dans les ateliers, on voyait tous les vieux qui étaient courbés, voilà, et c'était même l'environnement de travail, la poussière, les contraintes, tout était présent. Mais je dois reconnaître que dans l'artisanat, les cadences de travail n'étaient pas élevées. Ce qui fait que, mine de rien, on prenait le temps de faire les choses. Donc ceci expliquait cela. Comme ils prenaient le temps, bah, ils ne prenaient pas forcément la contrainte physique comme étant une des premières démarches. Nous, aujourd'hui, le temps de travail s'est raccourci, tant mieux, puisque ça nous offre plus de temps pour faire autre chose. Mais disons qu'il faut être plus rapide, plus productif, plus efficace. Et là, pour le coup, les contraintes physiques ressortent beaucoup plus. On se rend compte que les personnes qui n'ont pas du tout d'activité physique, je dirais pas sportive, mais au moins physique, vont avoir un manque de tenue musculaire. On les sensibilise sur cette notion de tonicité du corps pour pouvoir durer. Ouais. Après, je dirais qu'à titre personnel, je suis un grimpeur, je fais l'escalade. Donc le geste et l'implication du corps dans la traction terrestre, on se rend compte que effectivement, il est bien présent, il faut savoir le gérer. Voilà. Donc, où je peux tendre le bras, je fais 10 cm, ou au contraire, la prise, la meilleure, elle est 20 cm plus haut, et là, on va y tirer totalement son corps. On va travailler sur la pointe du pied, on va jusqu'à la finesse maximale pour réussir à tenir la prise, s'appuyer fortement dessus et puis pouvoir tracter. Voilà, des grands gestes, hein. L'amplitude, voilà. Ça marche. Ça, je préférerais. Voilà. Du confort dans le travail. Il y a beaucoup de parts de stress, je pense, aussi dans les métiers manuels qu'on apprend. Le corps réagit réellement en mode, bon, je connais pas cette position, apparemment elle va revenir souvent, donc il faut prendre le pli, et c'est vrai que je pense que le stress y joue aussi. Je vais prendre mon couteau à parer, mon corps va savoir, mon esprit va savoir que je vais réaliser une parure, il va savoir automatiquement se mettre en place, s'installer, se courber légèrement pour pouvoir déplacer la main dans un geste qui n'est pas du tout intuitif, voire même contre-intuitif, mais qui en tout cas est nécessaire. C'est d'ailleurs un des gestes qui est compliqué et difficile à apprendre. Dans ce geste-là, on se bat. D'une certaine façon, c'est un peu vrai, parce qu'effectivement, c'est une contrainte, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est quelque chose qui est pas du tout naturel. Donc, on va effectivement imposer ce geste-là. Une fois que le geste est imposé, les élèves, parce qu'ils commencent à avoir cette sensibilité, cette glisse sur le cuir, ce mouvement qui devient naturel, nous disent « Ah oui, on comprend pourquoi cette bataille, on comprend pourquoi vous êtes battu, enfin, vous nous avez imposé. » Et après, c'est le travail du corps. C'est corriger la position et en permanence, de façon quotidienne et récurrente. Hein, c'est vraiment ce côté répétitif. On va les amener jusqu'à une gestion, je dirais pas parfaite, puisqu'il leur faudra des années, en tout cas, pour avoir ce geste juste et intuitif. On va être au quotidien à répéter, répéter, répéter et corriger, corriger, corriger. Je crois que la digue principale, quand on vient d'une culture, un peu de l'abstraction, de la philosophie, c'est justement de voir dans les informations qui nous sont fournies par le corps, voir dans les sensations, une source d'information fiable, quelque chose qui a de la valeur, qui est important pour améliorer son geste. L'amélioration du geste ne viendra pas de ce qu'on aura analysé le geste, elle viendra de ce qu'on se sera mis à l'écoute de son corps et de ses sensations. Donc c'est une sorte de changement d'attitude assez radical, ce renoncement un peu à l'abstraction et l'écoute du concret. Est-ce que parfois, dans votre métier de transmission, vous êtes surpris par l'instinct de certains apprenants qui vont trouver un nouveau geste? Oui, clairement oui. Certains élèves, alors qu'on leur dit non, c'est dans ce sens-là, pas dans l'autre sens, réussissent malgré tout à nous montrer qu'eux réussissent de façon rapide et directe à l'opposé de ce qu'on leur a demandé. Et là, se pose une difficulté. Est-ce qu'on doit leur imposer ce qui nous a été transmis, ce que l'on considère nous comme étant le geste juste? Ou est-ce qu'on doit les laisser finalement dans ce geste qui leur est venu tout de suite, qu'ils gèrent parfaitement bien? C'est au cas par cas. J'allais dire, on est dans un geste ancestral, c'est pas pour autant que ce soit le mieux. Et vous n'avez pas de réponse. Alors ce qu'on leur dit, c'est apprends le nôtre, garde le tien, et ensuite tu vas être riche de deux gestuelles, une qui t'est naturelle et une qu'on t'aura imposée, mais que tu vas travailler, que tu sauras maîtriser. Tu t'adapteras, dans certaines situations, ce sera celle que l'on t'a appris. Dans d'autres situations, eh bien, ta gestuelle sera justement bienvenue et sera même le bonus quoi, par rapport à un autre. Si j'en crois le souvenir que j'ai de mes mains à l'époque, dans les premières semaines de formation, où je m'efforçais d'analyser mes gestes pour comprendre pourquoi ça ne marchait pas, et au lieu plutôt d'écouter ce que me disaient mes doigts, d'écouter... les signaux, les résistances qui se faisaient sentir à travers la scie. Oui, j'ai des souvenirs de mains un peu déchiquetées les premières semaines de formation, de réalisation un peu catastrophique avec des traits de scie très larges, des arêtes un peu déchiquetées sur les pièces de bois. C'était quelque chose d'un peu décevant. Tout le monde me regardait bizarrement. J'arrivais pas à voir ce qui était important, ce qui devait être soigné. « On dit qu'il ne faut jamais vraiment forcer quand on travaille, mais il faut mettre encore une fois une certaine intensité. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Avec des pinceaux, c'est un geste très, très léger, mais qui est quand même appuyé. Pour citer un exemple, on a commencé à apprendre des imitations de marbre. Et en fonction des marbres, il y en a qui sont très veinés. Et pour faire les veines, il faut que volontairement, notre main tremble. Mais ça, c'est quelque chose du coup qui est psychologiquement très difficile à faire parce que c'est pas du tout naturel. Bah, je pense que c'est depuis la petite école qu'on apprend justement qu'il faut écrire droit. On n'apprend jamais à perdre le contrôle comme ça, en plus de manière un peu volontaire, sur quelque chose qu'on produit. Il faut un geste souple, mais de manière sûre quand même. Enfin, c'est pas du tout facile, quoi. Ça y est, vous l'avez, ce geste ? Pour certains marbres, oui, pas pour tous, mais il y en a certains que j'ai réussi à avoir parce qu'il faut comprendre que la pierre a un certain sens et que le veinage part dans une direction. Et du coup, c'est un travail vraiment de visuel en plus du geste. Avec du recul, j'observe quand même la sensation de voir ce que je fais que je n'avais pas forcément en ébénisterie. Et de temps en temps, quand on travaille sur des surfaces plus petites, ben c'est pareil, la concentration, je trouve que c'est ça qui épuise pas mal le corps, la manière dont on se concentre sur ce qu'on va faire. Il va y avoir un moment où le corps enregistre, parce qu'il nous entend régulièrement, répéter. Il faut que tu te positionnes comme ceci, il faut que tu tiennes ton outil comme ceci, il faut que tu laisses glisser ta main comme ceci. Puis après, à un moment donné, il va falloir que l'esprit lâche prise. C'est-à-dire que la personne accepte que, intellectuellement, le corps sait, donc il faut laisser faire le corps. Il faut vraiment lâcher prise. Et il y a une autre gestuelle qui est intéressante, qui est la couture à la main. Où là, bien souvent, on intellectualise énormément le geste, parce qu'il est tout à fait nouveau. Et dès lors où, par la répétition, on lâche, mais les mains travaillent toutes seules. Et là, c'est la libération de l'esprit, c'est le vagabondage. On va penser à la famille, on va penser au petit trek qu'on a prévu pendant les vacances, etc. Et les mains vont travailler. Et ça va avancer. Et il n'y a pas de douleur, c'est fluide, c'est souple. Et là, on a gagné quelque chose. Tu fais les tests, tu klaxonnes, première chose. Tu montes, tu descends et tu remontes les fourches au maximum. Non. Au maximum. Voilà. Tu redescends au maximum. Et tu remontes au maximum parce qu'avec ce chariot, à partir du moment où on roule, on monte les fourches. Ok. Tu fais une petite marche avant. Marche avant. Ton marche arrière. Voilà. Tu t'arrêtes. Tu klaxonnes, tu regardes derrière toi et tu recules tout doucement jusqu'au bord du tableau. Tout droit. Reste collé au mur. J'ai toujours cette manie de vouloir aller à la perfection, de toujours aller de plus haut, d'être meilleur. Quand on est investi dans un travail, ce qui est mon cas, on y pense le matin, le soir, la nuit. Je sais faire des choses avec cette machine très rapidement, en sécurité. Oui, c'est devenu une fierté parce que c'était une machine que je ne maîtrisais pas, que je maîtrise très très bien aujourd'hui. Reconnu, je suis fier, j'ai réussi ça. Tu vas te coller au mur pour avoir la place pour faire ton demi-tour. Vas-y. Le demi-tour. J'ai l'impression, en tout cas ces dernières années, qu'on essaye de revaloriser les métiers d'art en disant les mains aussi sont intelligentes. Tu mets bien droit. Et qu'en fait, on oublie donc l'ensemble du corps et qu'on essaye de revaloriser les mains en les rattachant au cerveau. Et tu le remets à sa place. Et que du coup, on recrée une dichotomie en quelque sorte, plutôt que de dire en fait c'est une intelligence globale, c'est une intelligence corporelle. Mets tes deux mains, c'est plus simple. Didier Schwinn qui a fait un travail remarquable en 2012 sur le savoir artisan. Il explique très bien que c'est une intelligence engagée et que c'est une intelligence de situation et que donc il ne s'agit pas de dire que les mains sont intelligentes comme le cerveau, mais qu'en fait c'est une intelligence à part entière qui se crée en situation, en rapport avec la matière, en rapport avec ses sensations, avec son corps, etc. J'avais préparé, toujours dans le même esprit, quelques morceaux de cuir, voilà. C'est de la chèvre. Affûtage du couteau, on va glisser de façon ferme. Le couteau apparaît, qui va nous permettre de l'aiguiser de façon parfaite pour avoir une glisse sur le cuir. Et c'est là où le geste est contre-intuitif, parce qu'on va devoir croiser les mains. Alors que naturellement, on va avoir la main droite qui va aller vers la droite, la gauche vers la gauche. Alors que là, on va devoir croiser dans un mouvement tout à fait nouveau. Voilà, on se positionne bien, on incline la matière, et puis on va laisser glisser le couteau sur le bord du cuir. Et puis ensuite, ils vont se rendre compte que malgré l'affûtage du couteau, le cuir aussi vit sa vie. Il est souple, il est rigide, il est récalcitrant. Donc là, il va falloir, et là c'est le temps qui va leur permettre d'acquérir cette action-là, il va leur falloir s'entraîner. Et je m'entraîne, et je m'entraîne, et je m'entraîne, petit à petit. Et je rouspète, et je recommence. Voilà. Et l'idée, c'est d'arriver non plus en opposition, mais en accord avec la matière, en accord avec le geste, pour que cette action de parage de ma pièce se réalise de façon aisée, sans contrainte, sans fatigue musculaire. Qu'est-ce que le bon geste, Arthur Lockman ? Je crois que le bon geste, du point de vue de son résultat, c'est celui qui a conscience de ce que le résultat sera imparfait. Il ne sera pas mauvais, au contraire, le bon geste fera un bon résultat. Mais il sait aussi que ça ne sert à rien d'aller chercher à atteindre la perfection. La matière, c'est un très bon enseignant de l'impossibilité d'atteindre la perfection. Parce qu'elle-même est imparfaite. Toute pièce de bois, toute pierre de taille a ses faiblesses, a ses particularités, dont il faut tenir compte. Et le bon geste a conscience de ça. La main sait qu'il ne faut pas chercher à faire mieux quand on a déjà atteint quelque chose de satisfaisant pour le métier qu'on exerce. Donc le bon geste est un peu celui qui sait quelles sont ses limites, qui sait qu'il n'atteindra pas la perfection. Merci à Jérôme Tevny, Arthur Lockman, Christophe Arnaud, Paul Alès, Géraldine Moreau, Darko Dordjevic, Pascal Latour, les stagiaires CACES de l'école, les formateurs parisiens et Sandra. Coordination Perrine Carvran et Marivonne Abolivier. Mixage Manuel Couturier. Un documentaire de Rémi Dibowski-Douat réalisé par Jean-Philippe Navarre.